minuit les vagues font moins de bruit. Comme étouffé par l'obscurité, un coup d'œil dans le rétro mouillé. Les princes de la côte sont réunis. Imaginez de nous laisser emporter, mais...